viens juste vous parler d'une fille que j'ai rencontrée. En apparence tout est normal, on peut même dire qu'elle est pas mal. Avant de mieux l'avoir connue, faut dire que moi aussi j'y ai cru. Je vous présente mon amie, celle qui sait plus dire non que oui, ou celle qui dit plus oui que non, enfin celle qui change tout le temps d'avis. À l'effigie d'une stupid girl, il faut toujours qu'elle ouvre sa gueule pour sortir des énormités presque aussi grosses que son nez du style. Pourquoi les moutons quand il pleut ils rétrécissent pas? Ou encore je vais jeter mon boomerang mais à chaque fois il revient vers moi. À ça il en faut de la patience quand elle vous ramène sa science. Persuadée d'être intelligente, faut dire qu'au fond elle est touchante. Et je sais bien que c'est moche de faire une chanson comme ça, mais putain t'es trop cloche, je pouvais pas laisser passer ça. Elle croit toujours qu'elle a raison, elle a toujours la solution. Mais dites-moi qu'est-ce qu'on peut répondre à? Il y aurait plus de place sur Terre s'il y avait moins de monde. Sois belle et tais-toi, cette phrase prend un sens avec toi. Vaut mieux te faire croire que t'es pas futé plutôt que l'ouvrir pour le confirmer. Et quand je te vois, je ne peux que me dire que la nature voulait nous faire rire quand elle te laisse le droit de dire attendez, laissez-moi réfléchir. Réfléchir, comme si une fois tu l'avais fait. Tout ce que tu sais faire, c'est sourire pour pouvoir être photographié. Et toi qui crois que ça vient des autres, tu te rends même pas compte comme t'es conne quand tu nous sors à tous que Vodka, c'est une super marque de téléphone. Et je sais bien que c'est moche de faire une chanson comme ça, mais putain t'es trop cloche, je pouvais pas laisser passer ça. Et comme si ça suffisait pas d'être égoïste et bête en plus de ça, comment tu fais pour pas le voir, toi qui passes tant de temps devant ton miroir? En tout cas, heureusement pour toi, que le ridicule ne tue pas. Ça ferait longtemps que tu serais parti à nous sortir tes théories. Mais je dois dire que le mieux que tu m'aies fait, c'est quand un jour tu m'as demandé. Les gens qui font un régime sans sel, ils peuvent se baigner dans la mer quand même. Non mais là, j'avoue que je suis fan, même si tu me fais trop mal au crâne. Et j'espérais même pour t'entendre quand tu dis j'ai pas qu'un physique, j'ai une voiture aussi. Et je sais bien que c'est moche de faire une chanson comme ça, mais putain t'es trop cloche, je pouvais pas laisser passer ça. Et je sais bien que c'est moche de faire une chanson comme ça, mais putain t'es trop cloche, je pouvais pas laisser passer ça.